nzambe oselube ozali nzambe obundela kanga ozali nzambe oselube papananga Bonanga, bonanga, utambo mwanae, bengae. Bonanga, utambo mwana, bonanga. Andi manganga, andi manga, utambo mwana, bonanga. Andi manga, utambo mwana, andi manga. Oh, babaka na lola, babaka na lola, ya, ya. Yeah, batumbo limbi tole, batumbo limbi tole, ya, ya. Nalaka, kumbanga na lola. Evangelize makuwe Kita osale, kita osalo, samedi à partir de 10h, retrouvez-nous sur www.casarema.fr. De vous sur 3.casarema.fr. Alors, je vous donne un rendez-vous au www.casarema.fr. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous, et ça va nous aider. Même si on a mon bien, même si on a mon prédication, même si on a mon don't forget, mais on clip dans ça. Toujours na casa. www.casarema.fr. Kotakuna, vous avez une nouvelle Akito pour vous consoler, vous faire mal à vous. Na casarema. www.casarema.fr. Chaque samedi, de 10h à 12h, du cœur à l'heure.